بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 85 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah à propos de Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Et donc c'est le charh de Cheikh ibn Uthaymeen de son livre. Et on est rendu donc dans Bab al-Iman bil yawm al-akhir, la foi en le jour dernier. Et un point parmi les points qu'on explique maintenant, c'est à propos de al-Shafa'a, l'intercession. Hein? Donc on avait déjà commencé à expliquer quelque chose au sujet de l'intercession, c'est-à-dire al-Shafa'atul Uzma, la grande intercession. Et c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection pour que Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement dernier. Donc quand tous les hommes sont rassemblés, hein, à l'endroit où tous les hommes se rassemblent, et puis yani, tous les gens sont debout, hein, nus, et sans nu-pieds, nus et incirconcis ou non circoncis, comme ils étaient créés la première fois. Et à ce moment-là, l'attente est longue. Allah, il dit dans le Coran, « Khamsina al-fasana », c'est-à-dire 50 000 ans. Donc, les gens, hein, ils attendent et ils sont yani, fatigués. Alors, ils cherchent un moyen un moyen pour que le jugement commence, hein, pour qu'ils puissent y avoir quelque chose qui se passe. Alors, ils commencent à aller à chacun des prophètes. Ils commencent par Adam alayhi salam. Après, ils vont voir Ibrahim alayhi salam. Après, ils vont voir Nuh. Ah oui. Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. Et après, en dernier, ils vont voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, à ce moment-là, il va pour se prosterner devant le trône. Et il demande donc la permission à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'intercéder. Et donc à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et on appelle cette intercession-là al-maqam al-mahmoud, le statut ou la position de gloire, parce que tous les hommes vont être reconnaissants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette intercession-là au jour de la résurrection. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué au dernier cours. Maintenant, le cheikh, il dit « وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ » Donc il dit, le cheikh Ibn Uthaymeen, « Et nous croyons en l'intercession pour ceux qui sont rentrés en enfer parmi les croyants. » Donc il y a parmi les croyants des musulmans qui ont commis des péchés dont ils ne se sont pas repentis avant la mort. Et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il décide ce qu'il fait avec eux. Soit qu'il va leur pardonner et leur faire miséricorde, ou soit qu'il va les châtier par sa justice et il va les mettre en enfer pour un certain temps. Sauf que c'est pas pour l'éternité comme les kuffars et les mushrikines. C'est seulement pour un temps limité, et ensuite ils vont sortir de l'enfer et ils vont rentrer au paradis. Parce que les croyants ne demeurent jamais en enfer pour l'éternité, c'est seulement les kuffars et les mushrikines qui restent en enfer pour l'éternité. Donc ici le cheikh, il explique et dit, nous croyons donc en l'intercession en faveur de ceux qui sont rentrés en enfer parmi les croyants, qu'ils vont pour qu'ils en sortent, c'est-à-dire pour qu'ils en sortent, parce qu'il y a une intercession. Si tu peux l'arrêter quand pas, attends encore 2-3 minutes, après tu peux l'arrêter. Oui. Donc l'intercession pour que des gens qui méritent l'enfer n'y entrent pas. Il y a l'intercession comme ça, une intercession pour que ceux qui méritent d'entrer en enfer n'y entre pas. Et il y a l'intercession, comme il l'explique maintenant le cheikh, pour que ceux qui sont rentrés en enfer pour qu'ils en sortent. Hein? Et cette intercession-là, elle n'est pas spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est également pour d'autres que lui, parmi les prophètes, parmi les croyants et parmi les anges. Ils auront également une intercession pour cette catégorie-là. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il dit « Wa qawluhu, wa nu'minu bi shafa'ati fi man dakhala an-nar min al-mu'minin an yakhruju minha wa hiya lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihi min an-nabiyyin wal-mu'minin wal-mala'ika » هذه لثلاثة أصناف هذه الشفاعة لثلاثة أصناف وهم الأنبياء والمؤمنون ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والثالث الملائكة إذن هي عامة في من يشفع وفي من دخل النار أن يخرج منها وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنشد ذلك بعض الفضلاء فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهدي بعض. Donc le cheikh il explique que cette intercession c'est pour trois catégories, c'est-à-dire il y a trois catégories de gens qui vont pouvoir le faire. Il y a les prophètes, il y a les croyants et il y a les anges. Parmi les croyants, ça comprend les véridiques, les témoins, les martyrs et les hommes pieux. Et il dit la troisième catégorie, ce sont les anges. Hein? Et donc, cette intercession-là, elle est générale pour tous ceux qui rentrent en enfer. Pour tous ceux qui sont rentrés en enfer, c'est pour qu'ils en sortent. Et cette intercession-là, elle est mentionnée dans des hadiths et le cheikh, il dit « قَدْ تَوَاتَرَتْ الْحَدِيثِ » Tawatarat, ça veut dire ils sont rapportés dans un grand nombre de hadiths, rapportés par un grand nombre de rapporteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre doute au sujet de l'authenticité de cet élément-là parmi les éléments de l'intercession. Et il dit qu'il y a même certains des ulama qui ont fait un poème pour expliquer certains des éléments qui rentrent dans At-Tawatur, et ils ont mentionné ça dedans. Yani, Ru'yatun Shafa'atun Wal-Hawdu, donc Shafa'a est mentionné là-dedans. Et il dit le Cheikh ensuite, Walakin Ankara hadhihi Shafa'ata Ta'ifatan Mubtadi'atan Wahum Al-Khawarij Wal-Mu'tazila. مع أنهما من أهل القبلة وينتسبون إلى الإسلام وذلك بناء على أصلهم الفاسد وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار وإذا كان مخلدا في النار فلا تنفع فيه الشفاعة ولهذا لو دعا الإنسان أن يخرج من النار من هو مخلد فيها كان معتديا في الدعاء فعليه أن يتوب فلو قال مثلا اللهم أخرج أبا لهب من النار اللهم أخرج أبا طالب من النار قلنا له أنت الآن آثم وعليك أن تتوب وتستغفر الله لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود. Donc le cheikh il explique ici que il y a deux groupes parmi les groupes de l'égarement et qui sont des groupes d'innovation qui ont nié l'intercession. Et ces deux groupes-là, c'est les Khawarij et les Mu'tazila. Et la raison pourquoi ces groupes-là, ils ont dévié sur cette question-là, c'est parce que eux, ils considèrent que quand des musulmans commettent des péchés, ça veut dire que depuis que tu commets un péché, tu sors de l'islam. Pour eux, pour ces gens-là, tu deviens kafir. Donc pour eux, si un musulman, par exemple, il boit de l'alcool, ou il fait le zina, ou il vole, ou il tue quelqu'un, ça veut dire qu'il devient kafir. Donc son sang devient halal, ses biens sont halal, et il va être en enfer pour l'éternité, selon eux. Donc à cause de ça, ils ont renié et refusé d'accepter qu'il y ait une intercession pour les musulmans qui ont commis des péchés et qui sont rentrés en enfer. Parce que pour eux, du moment que tu rentres en enfer, tu es mukhallad. Ça veut dire que tu dois rester éternellement. Moi, je l'ai éteint, ça y est. Oui, tu dois, du moment que tu as commis un péché, tu deviens kafir, tu vas rester éternellement en enfer. Donc, ils n'acceptent pas cette croyance en ash-shafa'a. Pourtant, elle est affirmée et établie dans les hadiths authentiques. Hein? Et c'est la croyance de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et le Cheikh, il dit, malgré que ces deux groupes de bid'a sont des groupes qui font partie des musulmans, ils se disent musulmans, ils prétendent appartenir à l'islam, mais malgré tout, yani, ils se basent sur une base qui est corrompue. C'est-à-dire, comme j'expliquais, que celui qui commet un grand péché, pour eux, il est éternellement en enfer. Celui qui rentre en enfer, il n'en sortira jamais. Ça, c'est leur croyance à eux. Donc, ils ne pourront pas profiter d'aucune intercession. Et c'est pour ça que le Cheikh, il dit, si quelqu'un, par exemple, fait une invocation et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir de l'enfer celui qui est mukhallad finnar, c'est-à-dire celui qui doit rester éternellement en enfer, comme le mushrik ou le kafir, tu dis à Allah, oh Allah, fais-le sortir de l'enfer. Mais là, tu as fait qu'est-ce qu'on appelle at-ta'addi fi du'a. At-ta'addi fi du'a, c'est-à-dire tu as transgressé dans le du'a. Transgresser dans le du'a, ça veut dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose que tu sais qu'il a jugé le contraire de ça. Hein? C'est comme si tu dis, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, il fait un doua, il dit, oh Allah, fais-moi devenir un prophète. Hein? Ça, c'est un ta'addi fi doua. Tu ne peux pas demander ça. Parce que tu sais que le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'après lui, il n'y en aura pas d'autre. Donc, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose comme ça, ça, tu as transgressé dans l'invocation. Ou bien si tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, fais-moi voir les anges ou fais-moi rentrer maintenant au paradis directement. Ça c'est encore une fois ta'addi fi du'a parce que tu sais très bien que pour aller au paradis, il faut que tu meurs. Hein? Et pour mourir, pour aller au paradis, il faut que tu meurs. Et pour aller, yani, il faut pour ça faire les bonnes œuvres. Pour aller au paradis, il faut mériter d'y aller. Hein? Donc ça veut dire que de faire ça, ça veut dire que tu transgresses dans ad-du'a. Et donc, il donne un exemple de ça aussi. Si, par exemple, quelqu'un, il dit, oh Allah, fais sortir Abu Lahab de l'enfer. Ou bien, oh Allah, fais sortir Abu Talib de l'enfer. Alors là, tu as commis un péché. Et tu as transgressé dans le du'a. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Hein? Sayasla naran zata lahab. Donc, toi, tu viens, puis tu dis, oh Allah, fais-le sortir. Alors qu'il est mukhallad, ça t'as commis un péché, t'as transgressé dans le du'a. La même chose pour Abu Talib. Abu Talib, je m'excuse, hein, c'est la fumée là qui me fait ça. Donc, on va lui dire dans ce cas-là, tu as commis un péché. Et tu dois te repentir. Et tu dois demander pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé de l'enfer éternel pour ces personnes-là. Donc ça, c'est un exemple. Après, le Cheikh, il dit « وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ » Il dit que il y a également des gens au jour de la résurrection, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui vont rentrer en enfer, il va les faire sortir de l'enfer sans intercession. Uniquement par sa grâce et par sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il y a une mention comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre une poignée des gens, hein, de l'enfer et il va les mettre au paradis. Par sa miséricorde, par sa grâce. Hein? Et ça, c'est mentionné dans les hadiths. Donc le Cheikh, il explique ça, il dit... وقوله يعني وبأن يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. إذا نؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى وهي له ولغيره، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. ومسألة الشفاعة التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، والذي قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان في نار يغلي منها دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه شفاعة مقبولة من وجه وغير مقبولة من وجه. Donc il dit le cheikh ensuite, donc il y a des, nous croyons que il y a une grande intercession. Il y a une grande intercession pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle est particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une intercession qui est une petite intercession qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour d'autres que lui également qui vont pouvoir intercéder en faveur de ceux qui sont rentrés en enfer pour qu'ils puissent en sortir. D'accord ? Et le cheikh, il mentionne une question ici, un point qui est relié à ça. C'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. On sait qu'en général, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'invoquer ou de demander le pardon ou la miséricorde pour les mushrikines de façon générale. Et Abu Talib, il est mort dans le shirk. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il ne peut pas demander pardon pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé seulement que Allah subhanahu wa ta'ala allège son châtiment, c'est-à-dire qu'il allège son châtiment, qu'il le rende moins dur. Et à cause du fait qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Donc, le résultat de ça ou la conséquence de ça, c'est que son intercession pour son oncle, qui est mort dans le shirk, elle n'a pas été ni acceptée ni rejetée, hein? Puisque ce qui a été accepté, c'est d'alléger seulement son châtiment. Donc, le châtiment qu'il a maintenant, c'est, ou que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans l'enfer, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, qu'il est dans une mare de feu, dans l'enfer, et il a deux chaussures de feu dans ses pieds qui lui font bouillir le cerveau. Wal'iyadu billah. Et il pense qu'il est la personne qui a le moindre des châtiments. Hein? Ou plutôt, lui, il pense qu'il a le plus dur des châtiments, alors qu'il a le moindre des châtiments. Hein? Il pense que lui, son châtiment, c'est le pire. Alors qu'en réalité, c'est le moindre des châtiments des gens de l'enfer. Donc si ça, c'est le moindre, imaginez celui qui a le pire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, il voit que il a le pire châtiment, et ça c'est pour qu'il ressente sa tristesse, hein, d'avoir rejeté la foi et refusé d'accepter le tawhid. Et donc ça c'est une intercession qui est acceptée d'un certain point de vue et qui est rejetée ou non acceptée d'un certain point de vue. Ensuite il dit ولكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قلنا هنا ما نفعهم النفع التام بل نفعته بتخفيف العذاب عنه ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه دافع عن الإسلام وانتفع الإسلام به ومن قرأ السيرة حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما حصل من أبي طالب في مجاهدة العظيمة في المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه فيسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. Donc ici le cheikh il explique que comment on répond dans ce cas-là à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset dans Al-Muddathir, le verset 48, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession des intercesseurs ne leur profitera pas, ne leur sera pas profitable ou bénéfique, en voulant dire que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son intercession, elle est bénéfique. Donc comment elle n'a pas été bénéfique pour lui? Et le cheikh explique que elle a été bénéfique, mais elle n'a pas été bénéfique d'un sens complet. Pourquoi? Parce qu'il était mouchrik, il n'était pas croyant. Donc, elle lui a profité dans le sens qu'elle a allégé son châtiment. Hein? Puis en plus, il faut tenir compte du fait que Abu Talib, c'était pas une intercession seulement à cause de son lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait d'autres parents qui étaient mouchrik aussi, et il n'a pas fait cette intercession-là pour eux. Hein? Comme Abu Lahab, par exemple. Hein? Mais, par contre, Abu Talib, il est différent de Abu Lahab. Parce que Abu Lahab, il faisait beaucoup de misère au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Talib, il supportait et aidait et défendait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contre l'injustice. Sauf que, il ne le faisait pas par rapport à une foi en l'islam. Il le faisait par rapport à son lien de parenté avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu profiter de l'intercession complète. Donc, il a seulement une partie d'intercession, dans le sens que son châtiment est allégé pour lui. Hein? Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour aider son neveu, hein? Le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lit la sirah, il va savoir ce que Abu Talib a fait comme effort pour défendre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, il est juste, et il ne gaspille pas l'effort de celui qui a défendu sa religion. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. C'est-à-dire Allah, il va défendre cette religion là même avec l'homme pervers. Donc même parfois, un kafir, il peut être une cause pour défendre l'islam. Hein? Et l'exemple d'Abu Talib, c'est un exemple de ça. Il a défendu l'islam malgré qu'il n'était pas croyant. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans l'histoire. Hein? À l'époque où, par exemple, je ne me rappelle plus de son nom, mais Ibn Mut'im, j'ai oublié son nom au complet. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de, par exemple, de Taif, lorsqu'il est revenu de Taif et qu'il avait été chassé par les habitants de Taif, hein, les enfants et les esclaves lui avaient lancé des pierres et ses pieds avaient eu des blessures, il saignait des pieds justement à cause de ça. Et pour qu'il revienne à Mecca, il a demandé la protection de Ibn Mut'im, qui était un mouchrik à l'époque. Hein? Et c'est avec sa protection qu'il est revenu à la Mecque. Donc c'est la preuve que yani, quelqu'un qui n'est pas croyant, il peut même défendre, hein, l'islam et les musulmans. Dans certains cas, ça s'est arrivé. Donc ça, c'est un exemple. Après, le cheikh, il dit وَنُؤْمِنُ بِحَوْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Nous croyons en Al-Hawd, la fontaine ou le bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le bassin duquel le messager et les croyants vont boire au jour de la résurrection. Donc, le cheikh, il dit, Al-Hawd al-mawridu lil-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa mawjoudun al-an, li-anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khataba al-nas wa akhbara annahu رأى حوضه وأن منبره على حوضه وهو فهو موجود ولكن من عالم الغيب أي نعم ولكن من عالم الغيب وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم، فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا إذا كان يوم القيامة، فهو حوض حسي لمائه طعم ورائحة وله آنية. Donc, le cheikh, il explique que ce bassin, hein, c'est un bassin qui, en fait, le cheikh, il explique ici que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il aura ce bassin-là au jour de la résurrection. Tous les croyants vont, c'est-à-dire les croyants vont pouvoir boire de ce bassin-là, du liquide qu'il y a dedans ou du breuvage qu'il y a dedans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un discours que il a vu le Haud et que il était son minbar était sur le Haud, hein, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, et il dit que c'est donc quelque chose qui existe présentement, sauf que ça fait partie du monde de l'invisible et que le monde de l'invisible, on ne peut pas le voir comme les anges existent et ils sont là, mais on ne les voit pas. Donc c'est la même chose pour le Haud. Il existe, mais on ne peut pas le voir, excepté lorsque ce sera au jour de la résurrection. Là, il sera palpable et il sera réellement visible. Et c'est un bassin ou une fontaine qui est réelle. Hein, qui est réelle, et son breuvage ou le liquide qui est dedans, c'est un liquide qui a un goût, qui a une odeur et qui... il y a des contenants pour boire de ce liquide qui sont disponibles pour les croyants. Et dans le hadith, ça dit que les verres ou les contenants pour boire avec sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Hein? Donc il dit le cheikh, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa atyabu min ra'ihat al-misk. وَطُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ. Donc il dit, son eau ou son breuvage est plus blanc que le lait, plus sucré que le miel, son odeur est meilleure que le misc, sa longueur et sa largeur est la longueur d'un mois et la largeur d'un mois. Donc c'est un bassin immense. Et puis il faut comprendre aussi que la umma du messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça comprend tous les croyants qui ont cru depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Donc ça fait une umma qui est immense. Et c'est normal donc que son bassin soit immense et que les contenants également soient immenses pour boire avec. Naam, parce que c'est la même distance, que la même longueur, que la même largeur. Hein? Donc il dit وقوله ماؤه أشد بياضا من اللبن وفيما نرى أنه ليس هناك شيء أشد بياضا من اللبن لكن في يوم القيامة ماء حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن وهذا يدل على طيب منظره. Donc il dit le cheikh que son eau ou son breuvage est plus blanc que le lait. Il dit, même si on pense que dans ce bas monde, on n'a pas vu quelque chose de plus blanc que du lait, mais au jour de la résurrection, on va voir cette eau-là ou ce breuvage-là qui sera dans le bassin du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui sera plus blanche que le lait. Et ça montre à quel point il est beau à voir. Hein? Et il dit, « Wa ahla min al-asal yadullu ala tibi madaqihi wa ta'mihi wa atyabu min ra'ihati al-misk. » Donc il dit, il est plus doux que le miel. Ça indique qu'il a un bon goût, hein? Une bonne saveur. Et qu'il est plus, il a une meilleure odeur que le misc. Donc ça veut dire que son odeur, elle est plaisante. Hein? Et sa longueur et sa largeur, c'est d'un mois. Donc il dit, أَمَّا سِعَتُهُ فَقَالْ طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ. وهذا يدل على أنه كان مستديرا لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر و يعني إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا. Donc il dit le cheikh pas comme qu'est-ce que tu dis que c'est carré. Il dit que c'est rond. Sa longueur et sa largeur, en fait, c'est son rayon, en fait. Il est de la même longueur et de la même largeur, mais c'est de forme circulaire. Ouais. Il dit parce que si c'était carré, ce serait plus que ce serait plus que ça. Énorme. Parce que quand tu regardes en diagonale, ça serait, en principe, ça devrait être la même chose. Mais Allahu a'lam, j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il veut dire ici. Il dit ça, le fait que sa longueur et sa largeur soient un mois, et ça prouve qu'il est circulaire. Pourquoi? Parce que si il n'était pas circulaire, zawayahu, yani, je ne sais pas ce que ça veut dire, zawayahu. Peut-être il parle de... Je sais pas, il dit ça, si c'était pas circulaire, ça dépasserait le mois. C'est ça qu'il dit. Peut-être qu'il veut dire si tu fais un coin et à l'autre, c'est quoi? Il parle de la diagonale? Mais est-ce que la diagonale, c'est pas la même chose que la longueur et la largeur dans un carré? Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est exactement ça. C'est la diagonale dont il parle. Parce que l'hypoténuse est plus longue que... la diagonale est plus longue que les côtés, effectivement. C'est l'hypoténuse. Donc, on a compris le mystère mathématique, géométrique. Alhamdulillah. Donc, c'est ça. Donc, il dit, le cheikh, ça, c'est la preuve que... Le bassin, il est de forme circulaire, non de forme carrée. Parce qu'il dit, s'il était carré, eh bien, yani, ses côtés, par la diagonale, effectivement, par le centre, ça aurait été plus que un mois. Hein? Et donc, c'est ça. Lianna, il dit, « إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه مسطحه. Donc c'est ça. Il parle des coins, en fait. La distance qui oppose les coins, on sait, c'est par rapport à l'hypoténuse, c'est quoi? A2 plus B2 égale C2. Et si tu veux savoir la longueur de l'hypoténuse, tu fais la racine carrée de A2 plus B2, ça va donner C. Le théorème de Pythagore. Barakallahu fik. Ok. Donc, iz innal murabba. Donc, c'est ça. Il dit, wa ala hadha fayakounu al-hawdu mustadiran. Donc, le hawd, il est rond. Il est de forme circulaire. Wa hadha huwa al-ghalib fi al-ahwad. Fahiyadu al-ibil حينما تورد عليها تكون مستديرة. Donc c'est ça, il dit, c'est ça habituellement les bassins sont ronds, même les fontaines là, quand tu vois, il y a des fontaines, c'est toujours circulaire en général. Et il mentionne justement les bassins pour les chameaux, là où ils vont boire, en général c'est circulaire aussi. Donc c'est ça qu'il mentionne comme exemple. Et il dit, وَطُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ إِذَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ بِهِ سَيْرُ الْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ لِأَنَّ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوجَدُ سَاعَاتِ وَلَا سَيَّارَاتِ وَلَا طَائِرَاتِ فيحمل على ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا. Donc il dit ici le cheikh que la distance dont on parle, qui est mentionné par un temps, une mesure de temps qui est un mois, il parle en général. Ici, le cheikh, il dit, il parle, selon qu'est-ce qui est le plus apparent, d'un voyage avec des chameaux qui portent des personnes ou des bagages. Parce que c'est ça qui était connu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Donc, on portait les gens et on portait les choses sur des chameaux et on faisait des voyages à d'autres chameaux. Et donc, la distance qu'on pouvait parcourir à d'autres chameaux en un mois, eh bien ça t'indique la grandeur. Et donc, ça veut dire qu'il est immense. Hein, parce que quand même, en un mois, on peut faire quand même un assez grand parcours. Ensuite, il explique le cheikh, il dit « Wa aniyatuhu kanujum as-sama husnan wa kathratan yariduhu al-mu'minuna min ummatihi » Donc le cheikh, il dit ensuite que les contenants pour boire de cette fontaine ou de ce bassin-là, c'est aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, dans la beauté et dans la quantité. Et les croyants vont y venir parmi les croyants de cette Ummah. Et le cheikh, il dit قوله آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة والأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظه آنيته كنجوم السماء ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء ولكننا نأخذ باللفظ الأول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى كما أن نجوم السماء لا تحصى ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة ومضيئة وكثيرة. Donc il dit le cheikh que c'est la quantité, la beauté de ces contenants qui sont comme les étoiles. Et c'est rapporté dans les hadiths à ce sujet-là. Il y a deux narrations qui sont mentionnées et les deux sont rapportées par Al-Bukhari et Muslim. La première, ça dit, ces contenants sont comme les étoiles du ciel. Et la deuxième narration dit, ces contenants sont comme le nombre, sont au nombre des étoiles du ciel. Donc il dit, si on prend la première narration, comme les étoiles du ciel, ça comprend donc le nombre et la beauté. Donc les contenant pour boire dans ce bassin-là, elles sont illuminées, elles brillent, elles sont nombreuses, on ne peut pas les énumérer. Et il dit, elles sont comme les étoiles du ciel qu'on ne peut pas compter ou calculer, mais elles ne sont pas comparables dans la taille avec les étoiles du ciel. Sauf que quand on les regarde, les gens, ils les voient, ça ressemble à des étoiles, comme les étoiles du ciel dans la beauté, dans le fait qu'elles sont illuminées et le fait qu'elles sont nombreuses. Il dit le cheikh ensuite, wa yastamiddu hadha al-hawd min al-kawthar wa hadha huwa an-nahr al-'azim al-kathir alladhi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-jannah yantaliqu minhu mizaban يصبان في هذا الحوض فأهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم آمين يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض لأن هذا الحوض يصب فيه ميزاب الكوثر الذي في الجنة ويريده المؤمنون من أمته خاصة. Donc le cheikh, il dit que ce bassin là, c'est comme une fontaine en réalité. Et d'où est-ce qu'elle est abreuvée ou d'où est-ce qu'elle s'alimente avec ce breuvage? Eh bien, c'est une rivière du paradis qu'on appelle Al-Kawthar. Et cette rivière, c'est elle qui alimente le bassin. Et c'est la rivière que Allah a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné dans la sourate, Inna atainak al-kawthar. Al-kawthar. Donc c'est cette rivière qui est dans le paradis. Et de cette rivière, il y a deux. comment on appelle ça, le misab en français. Il y a deux becs, hein, deux becs qui comme le misab là sur les maisons, les gouttières. Non, c'est pas sombour, c'est les gouttières sur les toits. Quand il y a de l'eau qui coule après, il y a comme un bec là qui fait couler l'eau pour que ça s'écoule. C'est ça, comme sur la Kaaba. On appelle ça misab. Eh bien, c'est ça. Il y a deux misab qui font couler l'eau ou le liquide qui sort de cette rivière du paradis jusqu'au Haud, hein, au jugement dernier. Et il dit le cheikh, donc que les gens du paradis, et il dit, oh Allah, fais de nous ainsi que de qu'il fasse de nous et de vous des habitants du paradis, hein, qui vont pouvoir boire de ce breuvage avant de rentrer. Ils vont boire de ce breuvage du paradis avant d'entrer au paradis, hein, par l'intermédiaire de ce bassin. Donc, la raison de ça, c'est parce que ce bassin-là est abreuvé de la rivière de Al-Kawthar par cette gouttière qui est dans cette rivière du paradis. Et les croyants de la Ummah, en particulier, c'est eux seulement qui vont pouvoir boire de ce breuvage-là. Tandis que les munafiqines et les munafiqines et les kuffars, ils ne vont pas pouvoir en boire. De même que les gens de bid'ah. Hein, les gens de bid'ah, ils vont être écartés. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire justement, yani, Allah, ya Allah, ya Rabbi, ummati, ummati. Hein, il va dire, haoulaï min ummati. Et il va dire, Allah va lui dire, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ça dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé dans la religion après toi. Alors, il va dire, fasurqan, suhqan, hein, qu'il soit éloigné, qu'il soit écarté. Et le cheikh, il dit, wahal li baqiyati l'anbiya y hawl ahwad al-jawab warada fi al-tirmidhi anna li kulli nabiyin hawdan. ولكن المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمته أكثر الأمم فهم ثلث أهل الجنة أي 80% والعشرين 80% والعشرين فهم أكثر الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحوضهم أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها يرده المؤمنون من أمته وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرعه جزاء وفاقا فمن كان وروده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه سهلا ينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع فيكون وروده لها وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا والعكس بالعكس. Donc le cheikh il dit, mais nous savons que ce bassin immense qui est très grand, ce sera le... Parce que le cheikh, il a posé la question, est-ce que tous les prophètes, ils ont un haud? Et le cheikh, il dit qu'il est rapporté par At-Tirmidhi, selon Samura ibn Jundub, que les prophètes, eux aussi, ont un haud. Chaque prophète, il a un haud. Et yani, le cheikh, il explique ici que... Ça, c'est déjà... Chacun, ils ont un haud. Mais le haud du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus grand que les autres parce que sa umma est plus grande. Et il y a une chose aussi que le cheikh, il n'a pas mentionné, mais il va le mentionner par la suite. Donc, on va attendre un peu. Le cheikh, il dit, donc, étant donné que sa umma est plus grande, le haud est plus grand parce que les habitants du paradis dans cette umma vont composer deux tiers des habitants du paradis, c'est-à-dire 120% hein, des habitants du paradis. Samanoun 1, 80, qu'est-ce qu'il dit? Samanoun a filmi 1, ou la 20, 80 sur 120. Il dit 80 sur 120. C'est ça qu'il dit. Hein? 80 sur 120. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis sur 120. Parce que 2 tiers, ça fait quoi? 75%? Parce qu'il dit, ça m'a nous a fait le mi'a ou l'ishrin. Mi'a ou l'ishrin. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme tu dis, 8 sur 12, c'est 2 tiers. Barakallahu fik. On a encore réglé un problème mathématique. Décidément, hein, mashallah. Fahum aktharun nas. Donc, ils sont les plus nombreux dans le paradis. Les gens de cette umma sont les plus nombreux au paradis. Et donc, leur bassin, leur haud, est la plus grande par rapport aux autres prophètes. Hein, c'est la plus large et la plus grande. Et les croyants de sa umma vont y accéder. Et la facilité qu'ils vont avoir pour y accéder, elle est relative à la rapidité ou la facilité avec laquelle ils ont mis en application la charia ou la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie. Donc plus ils se sont soumis à la révélation et ils l'ont mis en application selon leur capacité, et bien plus ils auront de la facilité à y accéder. Ensuite, le cheikh il dit وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأَ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. Celui qui boit de ce breuvage-là, de ce haud, il n'aura plus jamais soif. Et donc, les gens, lorsqu'ils terminent le jugement, ils ont soif. Hein? Les croyants, ils ont soif. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ce bassin et là, ils vont être abreuvés. Chacun va boire de ce bassin. Une fois qu'ils ont bu, ils n'auront plus jamais soif. Hein? Ils n'auront plus jamais soif de leur vie. Hein? Pour l'éternité. Et non, c'est fini la soif. Donc il dit, le cheikh il dit, قوله من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont bu de ça, ils ont soif en sortant du jugement. Une fois qu'ils arrivent là, ils ont besoin de boire. Hein, eh bien, ils n'auront plus jamais soif après, par la suite, ni dans le rassemblement de la résurrection, ni dans le paradis par la suite. Ensuite, le cheikh dit wa mas'alatun ja'a fi hadith al-shafa'a amman yaridu an man يردون عن الحوض فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فالمراد بذلك أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا أما الرافضة فيقولون المراد أبو بكر وعمر لأنه ما أحدث بعده حيث اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب فيقال قاتلكم الله ما الذي أحدث بعده فما أحدث في أمته إلا الخير. Donc ici le cheikh il met une mention spéciale pour clarifier un point important par rapport à ce que je disais tout à l'heure au sujet du hadith de l'intercession, que au jour de la résurrection il y a des gens qui vont venir vers le bassin pour boire et on va les repousser. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire Ya Rabbi Ummati, hein, en voulant dire ceux-là sont de ma Umma, et on va lui répondre Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et le cheikh il dit que ceux-là c'est les gens de l'apostasie, ceux qui ont renié l'islam après, c'est-à-dire qui étaient musulmans à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, puis qui sont devenus apostats. Donc ça c'est une des explications. Et tandis que les Rafida, la secte des Shia, Rafida, eux, ils prétendent que ceux qui sont repoussés, c'est Abu Bakr et Omar. Et ils disent pourquoi? Parce qu'ils ont, ils disent, ils ont inventé après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme s'ils ils disent ils ont usurpé le khilafa à Ali ibn Abi Talib. C'est lui qui devait être le khalifa et non pas Abu Bakr et Omar. Donc, eux, ils considèrent que Abu Bakr et Omar sont devenus kuffar à cause de ça. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il dit le cheikh que eux ils prétendent ça. Et le cheikh dit que Allah vous maudisse. Pourquoi vous dites ça? Ils n'ont rien inventé après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté le bien pour la Ummah. Ensuite, maintenant, le cheikh il passe à un autre point parmi les éléments qui ont rapport avec la foi en le jour dernier. Et c'est Al-Imanu bis-Sirat. Hein, yom al-Qiyamah. Le cheikh il dit wa nu'minu bis-Sirat al-Mansub ala Jahannam. Donc il dit et nous croyons en le pont qui sera dressé sur l'enfer. Hein, il y aura un pont qui sera dressé sur l'enfer. Et le cheikh il explique ça, il dit wa qawluhu nu'minu bis-Sirat al-Mansub ala Jahannam يعني ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها يمر عليها الناس على قدر أعمالهم وهذا الصراط اختلف العلماء فيه هل هو صراط على ظاهره أي أنه حسي واضح يمر الناس به بدليل أن على حافته كلابيب وأنه كشوك السعدان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ضحد ومزلة وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأن الناس يمرون على هذا الطريق الذي أدق من الشعر وأحد من السيف في هذا خلاف بين علماء السنة منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين فمعتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم ولكن نؤمن بهذا الصراط. Donc ici, le cheikh, il explique que nous croyons qu'il y aura un pont qui sera placé sur l'enfer. Hein? Et les gens vont devoir traverser ce pont et ils vont traverser selon leurs œuvres et selon leur foi. Hein? Et ce pont qui est sur l'enfer, il dit le cheikh que les ulama, ils ont divergé à son sujet. Est-ce que c'est un pont réel? Ou est-ce que c'est un pont yani, qui est dans son sens, qui est, disons, symbolique ou abstrait? هل هو صراط على ظاهره أو أنه يعني غير ذلك. Est-ce que c'est un, dans son sens tel quel, apparent, ou bien c'est dans un autre sens, un pont différent? Parce que la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de ce pont-là, hein, c'est différent des ponts que nous on connaît dans cette vie d'ici-bas. Hein. Et il donne comme exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que sur ce pont-là, de chaque côté, il y a des crochets hein, qui vont accrocher des gens et les jeter en enfer. Et en plus, les gens vont passer dessus et il est plus mince que, il est plus fin qu'un cheveu et plus affilé qu'une épée. Naam. Et des gens vont pouvoir le traverser. Donc certains ont demandé à cause de ça, est-ce que c'est un pont réel ou bien est-ce que c'est un autre que un pont réel? Et le cheikh il dit que parmi les ulama de la sunna, les deux positions sont présentes et qu'il n'y a pas de preuve claire qui tranche entre les deux paroles, mais notre croyance, c'est que nous croyons comme Allah l'a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et donc on dit Allahu a'lam. Hein? Ça fait partie du ghaib de toute façon, donc on doit croire en la description de ce pont tel qu'il a été décrit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit وَيَمُرُّ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ كَالْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَأَشَدُّ الرِّجَالِ والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. Donc le cheikh il dit que les hommes vont passer sur ce pont selon leurs œuvres. Et il y en a qui, les premiers vont passer comme des éclairs. Et d'autres, ils vont passer comme le vent. Hein? D'autres comme des oiseaux. Et d'autres comme des hommes qui sont lourds. Hein? Il y en a qui vont ramper même. C'est selon leurs œuvres et selon leur foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être debout sur le pont et il va invoquer Allah. Il va demander à Allah, oh Allah, salim, salim, ça veut dire sauve-les, sauve-les, hein? Sauve les croyants, sauve les croyants, sauve les musulmans. Et le cheikh, il explique ça en disant que, il dit, يعني, يمر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا فالمسارع في الخيرات يكون سريعا فيه والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. Donc, si tu étais rapide à faire des bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, eh bien, tu vas être rapide au jugement dernier sur ce pont. Si tu étais lent dans les bonnes œuvres, eh bien, tu vas être lent sur ce pont au jour de la résurrection. Il dit wa qawluhu yamurru awwaluhum kal barq wa asra'u ma yakunu mudiyan huwa al barq fi ma nushahid. Donc ça, c'est parmi les choses les plus rapides, c'est l'éclair, c'est connu. Hein? La lumière, l'éclair, c'est très rapide. Il dit, وَقَوْلُهُ كَمُرِّ الرِّيحِ أَوْ مُرُورِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ الرِّيحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ تَصَوُّرًا وَلَكِنْ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ وُجِدَ مَا هُوَ أَسْرَعُ ثُمَّ قَالْ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَأَشَدِّ الرِّجَالِ. Donc il dit, le cheikh, comme le vent qui souffle, c'est rapide. Il dit, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus rapides que le vent. Mais il dit, puis après, il y a des gens qui vont traverser comme les oiseaux, comme les hommes. Donc ça, c'est des exemples aussi. Puis après, il dit, وَقَوْلُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وهل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الصراط أو في أعلاه الله أعلم والمهم يعني أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم مما يدل على عظمة الأمر لأن الصراط ضحض ومزلة. Donc le pont il est glissant, il est pas facile, il y a des gens qui peuvent tomber, puis il y a les crochets aussi. لأن الذي تحته هو النار نسأل الله العافية نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها فليس الأمر بالهين ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم. Donc le cheikh explique et il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, donc il va être debout sur le pont et il va dire oh Allah, sauve, épargne les gens, sauve-les. Et il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera en dessous du pont ou au-dessus du pont? Il dit, l'important c'est que, comme il l'a dit, il est debout sur le pont et il va invoquer Allah. Et il va dire, oh Seigneur, sauve-les. C'est ce qui indique la grandeur, la gravité de l'affaire, parce que le pont, comme on a dit, il glisse et c'est quelque chose de très dangereux. Et en dessous, il y a l'enfer. Donc, on demande à Allah qu'il nous sauve, nous-mêmes ainsi que vous, de l'enfer. Et il dit, c'est pas une chose donc insignifiante ou quelque chose qu'on prend à la légère. Et il dit, c'est pour ça que le dernier des messagers, le guide des pieux, hein, et le guide des gens de la certitude, il dit, ô Seigneur, sauve. Hein. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis au prochain cours, on va continuer la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله